Dans notre précédente chronique santé, nous vous avons parlé des règles douloureuses chez certaines femmes et filles. Le docteur Roméo Irahunda, physiologue, a fait savoir que les douleurs qui se manifestent chez certaines femmes et filles dépendent de l'organisme de chaque personne. Il indique que ces douleurs peuvent être traitées afin de permettre à ces dernières de vivre normalement. Il y a un arsenal de traitement pour les règles douloureuses. Alors, il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment l'ibuprofène. Il y a également des fois où on fait recours aux médicaments à base de contraceptifs, les progestatifs ou les estroprogestatifs. Et ces médicaments contiennent des hormones qui inhibent l'ovulation. Et vous savez que c'est l'ovulation qui est responsable de la production des prostaglandines qui sont responsables des contractions utérines ou des crampes en cas de période menstruelle. Des fois, il y a des moments où on est obligé à passer à la chirurgie en fonction de l'étiologie. Si c'est de l'endométriose, si c'est un fibrome utérin, si ce sont des kystes de l'ovaire, là on est obligé à passer aux moyens thérapeutiques invasifs comme la chirurgie pour traiter la cause de ces règles qui sont douloureuses. Et une fois qu'on a traité l'étiologie, les règles douloureuses vont passer. Si c'est une infection sexuellement transmissible qui aurait causé ces règles douloureuses, on va donner des traitements, soit antibiotiques, soit pour traiter ces infections sexuellement transmissibles. Et comme ça, on réglera une question une fois pour toutes. Selon le docteur Roméo Irahunda, il y a deux étapes par lesquelles se manifestent ces règles douloureuses. En dysménorrhée primaire, ce sont des règles, donc ce sont des règles douloureuses où il n'y a pas de cause donc secondaire, où ce sont des dysménorrhées qui sont essentielles, qui surviennent sans qu'il y ait une cause organique. Tandis qu'une dysménorrhée secondaire, ce sont des règles douloureuses qui sont des étiologies d'endométriose, de fibrome utérin ou d'infection sexuellement transmissible, donc qui sont secondaires à une autre cause qui est sous-jacente. Si ces douleurs sont très intenses et non contrôlées, elles peuvent entraîner des complications, à savoir l'hypertension chez les femmes et les filles. Les règles douloureuses, elles ont des conséquences, notamment quand on sait que chaque mois, on aura une période avec une douleur hypogastrique, avec des crampes hypogastrique. Quand il y a une douleur, il y a des mécanismes de l'organisme pour que l'organisme s'adapte à cette nouvelle situation. Il y a des mécanismes compensateurs de l'organisme face à cette douleur. Le cœur va réagir, les vaisseaux vont réagir, le cerveau, tout vont réagir pour vivre avec cette douleur. Il y a des phénomènes des fois il y a une tension qui peut être élevée. Il y a plusieurs conséquences qui peuvent découler des règles qui sont douloureuses. Des fois, quand il s'agit de l'endométriose qui est à la cause de ces règles douloureuses, on peut avoir des complications à type de stérilité si ce n'est pas bien traité. Les femmes et les filles qui ont toujours les règles douloureuses récurrentes doivent aller consulter le médecin, comme l'indique le docteur Roméo Irahunda, physiologue. Ce docteur demande aux pharmaciens de ne pas servir des médicaments tant qu'ils n'ont pas une ordonnance médicale.